Dolorida, poème d'Alfred de Vigny. J'aime mieux ton amour que ta vie, proverbe espagnol. Est-ce la volupté qui pour ses doux mystères furtive a rallumé ses lampes solitaires? L'agate et le cristal sont leur pâle prison au souffle pur d'un soir de l'ardente saison. S'ouvre sur le balcon la mauresque fenêtre, une aurore imprévue à minuit semble naître quand la lune apparaît. Quand ces gerbes d'argent font pâlir les lueurs du feu rose échangeant, les deux clartés à l'œil offrent partout leurs pièges, caressent mollement le velours bleu des cieds, la soyeuse ottomane où le livre est encore. La pendule mobile entre deux vases d'or. La Madone d'argent sous des roses cachées et sur un lit d'azur, une beauté couchée.